Exercice 1, page 34. A. Elle écoute la radio. B. Ils oublient toujours tout. C. Elles aiment se lever très tôt. D. Il étudie en Allemagne. E. Elle enregistre un album. F. Ils énervent leurs grands-parents.